Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 23 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Brigitte, ça vient du celte, signifiant force. Humaine, sociable, émotive et sensible, Brigitte est une femme féminine et charmante, désireuse de faire plaisir, sensitive, intuitive et rêveuse. C'est une idéaliste qui peut être attirée par les grands mouvements sociaux, communautaires ou humanitaires, dans lesquels elle pourrait s'investir. Son besoin d'expérience personnelle est grand et émue par une cause, elle est capable de mobiliser son courage et son énergie ainsi que de faire des sacrifices. En revanche, elle évite autant que possible les affrontements et face au coup du sort se referme sur elle-même dans une sensibilité douloureuse. Bien qu'elle apparaisse parfois réservée ou fière, ce n'est qu'une apparence qui dissimule un manque de confiance en soi, une importante timidité et surtout une émotivité envahissante. Deux tendances assez contradictoires coexistent au sein de sa personnalité. La première, en rapport avec le 5, peu conformiste, légère, mobile, curieuse, sensuelle, instable, ayant le goût des contacts et des aventures, et l'autre, plus intériorisée, profonde, sérieuse, travailleuse, recherchant la sécurité et la tranquillité. Ces deux tendances peuvent coexister dans des domaines différents. Elle pourra ainsi, par exemple, être très stable dans sa profession et instable dans sa vie affective ou se succéder dans le temps. Elle peut parfois vivre son 4 en maître nombre et vivre un destin hors du commun qui s'accompagnera cependant de renoncement et de nervosité. Par ailleurs, ce sera une militante. Attention au fanatisme, à l'intransigeance, aux extravagances ou à l'aveuglement, souvent inséparable de cette haute vibration. Dicton du jour, nuage de la Sainte Brigitte par le soleil sont chassés vite. Célébration internationale aujourd'hui en Bolivie, c'est la journée de l'amitié et en Égypte, c'est la fête nationale. Une fête qui dure 4 jours. Et dans les événements qui se sont déroulés un 23 juillet, c'est notre meilleur ami en ce moment, en 1904, c'était l'apparition du cône glacé. Allez, tout de suite, on va écouter notre première pause musicale avec Depeche Mode et le titre Just Can't Get Enough. Dépêche Mode sur RGM. Un peu plus de 8h36, on va faire maintenant un point sur tous ceux qui sont nés un 23 juillet. On va rester en chanson puisqu'en 1953, c'était la naissance de Claude Barzotti, chanteur italo-belge, notamment connu pour le titre Le Rital, dont on écoute tout de suite un extrait. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays. Italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Arrive. Voilà pour l'extrait de Claude Barzotti. 1961, naissance de Woody Harrelson, acteur américain, vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du sergent Keck, la saga Hunger Games dans le rôle d'Emich Abernathy, Insaisissable 1 et 2 dans le rôle de Merit McKinney, ou encore La Planète des Singes, La Suprématie. C'est également l'année de naissance de Martin L. Gore, musicien, compositeur britannique du groupe Depeche Mode. 1962, naissance d'Eric LaSalle, acteur américain, vu dans Un Prince à New York dans le rôle de Daryl Jenks, dans la série télé Urgence, dans le rôle du docteur Peter Benton, également 24 heures chrono ou encore Under the Dome. 1965, naissance de Slash, guitariste anglo-américain du groupe Guns N' Roses, et on écoute tout de suite un extrait du titre Don't Cry. Voilà pour l'extrait des Guns N' Roses. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Stéphane Diagana, athlète français, spécialiste du 400 mètres et champion du monde en 1997, champion d'Europe en 2002, ainsi que champion du monde du relais 4x400 mètres en 2003. C'est également l'année de naissance d'Armel, comédienne française, vue au cinéma dans Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2 dans le rôle de Petroni, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Podium, Les Aristos, Neuilly sa mère, à la télévision connue bien évidemment pour son rôle de Maëva Capucin dans la célèbre série Caméra Café, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans les films qui sont sortis par la suite, Espace Détente et Le Séminaire. 1970, naissance de Charisma Carpenter, actrice américaine, vue au cinéma dans Expendables 1 et 2 dans le rôle de Lacey, à la télévision dans Buffy contre les vampires et la série Angel dans le rôle de Cordelia Chase, vue également dans Charmed, Veronica Mars dans le rôle de Kendall Casablancas, Supernatural, Blue Bloods, Chicago Police Department, Lucifer ou encore le téléfilm Une célibataire à New York. 1972, naissance de Marlon Wayans, acteur américain, vu dans Scary Movie 1 et 2 dans le rôle de Shorty Mix, également scénariste et producteur, Requiem for a Dream dans le rôle de Tyrone C. Love, FBI Fausse Blonde Infiltrée dans le rôle de Marcus Copeland, également scénariste et producteur, G.I. Joe Le Réveil du Cobra, à la télévision dans la série Les Frères Wayans, dans le rôle de Marlon Williams, également créateur et producteur de la série et scénariste de Scary Movie 3, 4 et 5. 1973, naissance d'Omar Epps, acteur américain connu pour son rôle du docteur Eric Foreman dans la série Doctor House et plus récemment vu dans la série Shooter dans le rôle du capitaine Isaac Johnson. 1974, naissance de Catherine Anne, actrice américaine vue dans Comment se faire larguer en 10 leçons dans le rôle de Michelle Rubin, 7 ans de séduction, The Holiday, Les Noces Rebelles, Bad Moms 1 et 2 dans le rôle de Carla et la série télé Preuve à l'appui dans le rôle de Lily Lebowski. C'est également l'année de naissance de Stéphanie Marc, actrice américaine, vue à la télévision dans Grey's Anatomy, New York Unité Spéciale dans le rôle d'Alexandra Cabot. 1980, naissance de Michelle Williams, chanteuse américaine du groupe Destiny's Child. 1982, naissance de Paul Wesley, acteur américain, vu dans la série télé Haine et Passion, Mes plus belles années, Touche pas à mes filles, Smallville, Everwood, American Wives, 24 heures chrono, et surtout connu pour son rôle du beau Stephen Salvatore dans la série télé Vampire Diaries ainsi que dans la série The Originals où il apparaît dans un épisode. 1989, naissance de Daniel Radcliffe, acteur britannique, connu pour son rôle d'Harry Potter dans la saga des Harry Potter, vu également dans Horns, Dr. Frankenstein ou encore Insaisissable 2 dans le rôle de Walter. 1996, naissance de Kerryan Mayan, acteur français, vu au cinéma dans le film Largo Winch, où il a interprété Largo Winch enfant, et connu pour son rôle de Quentin Saint-André dans la saga de l'été Zodiac et Le Maître du Zodiac. C'est également l'année de naissance de Rachel J. Fox, actrice américaine, connue pour son rôle de Kayla Scavo dans la série Desperate Housewives. Allez, tout de suite, petite pause avec les Destiny's Child et leur titre Survivor. Compromise my Christianity. I'm better than you. That. Know I'm not gonna diss you on the internet. 'Cause my mama taught me better. les Destiny's Child sur le 107 FM. On continue, ils nous ont quittés un 23 juillet 1951. Décédé Philippe Pétain, maréchal de France, homme d'État, chef de l'État français de 1940 à 1944. En 1992, décédée Arletty, actrice française, vue entre autres dans Hôtel du Nord, Le Jour se lève, Les Visiteurs du Soir ou encore Les Enfants du Paradis. En 2004, décédé Serge Reggiani, acteur et chanteur français qui a interprété Joseph Rouletabille, le journaliste détective dans Le Mystère de la Chambre Jaune et Le Parfum de la Dame en Noir, et notamment connu pour le titre Il suffirait de presque rien, dont on écoute tout de suite un extrait. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Voilà pour l'extrait de Serge Reggiani, je vais y arriver. Et en 2011, décédée Amy Winehouse, chanteuse, auteure, compositrice, interprète britannique, qu'on écoute tout de suite avec le titre Back to Black. Same old, same bed. in-house sur le 107 FM, presque 8h54, on fait un point météo. La météo. Très belle journée ensoleillée au programme aujourd'hui, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 35 et 36 degrés prévus pour cet après-midi, et ça va encore grimper pour les jours à venir. Mercredi, des températures, toujours du soleil hein, bien sûr, des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin, entre 37 et 38 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, du soleil toujours, des températures comprises entre 22 et 23 degrés le matin, et entre 37 voire jusqu'à 40 degrés prévus pour jeudi après-midi. Restez au frais si vous le pouvez. Allez, tout de suite, on passe à l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis à Hambourg. C'est Jérémy Chardy qui s'est imposé dans le duel franco-français face à Benoît Paire en 3-7, 6-7, 7-5, 6-3. Aujourd'hui, Gasquet affrontera Nagal. À Atlanta, aujourd'hui, Humbert affrontera Gromley. À Gstaad, il n'y a plus de Français en compétition après l'élimination hier de Moutet en 2-7 face à Stebe, 6-4, 6-4. À Jurmala, Tan s'est incliné en 2-7 face à Stojanovic, 6-2, 6-2. Aujourd'hui, Garcia affrontera Pliskova et Paquet sera opposé à Eredine. À Palerme, élimination de S en 2-7 face à Russe, 6-1, 6-3. Élimination de Parmentier en 2-7 face à Badoza, 6-4, 7-6. Aujourd'hui, Cornet affrontera Trevisan et Ferro sera opposé à Soribes Tormo. Un mot de football féminin après les Bleuets, on va parler des Bleuettes qui se sont qualifiées hier après leur match nul 3 partout face à la Norvège pour les demi-finales. Un mot d'escrime en épée, la France masculine a été sacrée championne du monde. Et on termine avec le Tour de France. Aujourd'hui, c'est l'étape 16 entre Nîmes et Nîmes. 177 km à parcourir, c'est une étape plat. Au kilomètre 65, il y aura un sprint intermédiaire. Au kilomètre 96, la côte de Saint-Jean-du-Pin de 4e catégorie. Et donc, Julian Alaphilippe, toujours maillot jaune. Hier, c'était repos, donc pas de changement au classement général, mais ça suit derrière. Alors, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire pour le maillot jaune. Guérin Thomas est à 1,35. Kruijswijk, 3e, est à 1,47. Et 4e, on retrouve Thibaut Pinot à 1,50. Mais les étapes qui vont suivre dans les jours à venir vont être cruciales pour Julian Alaphilippe avec son maillot jaune, hein, puisqu'on va aller direction les Alpes. Et donc, ça va grimper de chez grimper. Et en plus, il va faire très chaud. On en parle bien évidemment dans les jours à venir. On en parlera jeudi puisque demain je ne suis pas là. Et c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 1997 aujourd'hui avec Felicidad et le titre Dam Dam Deo.